le commissaire. J'ai la panoplie, t'inquiète, je sais comment faire. Tous les soirs sous cheese, maintenant tu sais comment ça. Et comme les auditions, pas besoin de tes commentaires. On raconte nos vies, on encule le commissaire. J'ai la panoplie, t'inquiète, je sais comment faire. Tous les soirs sous cheese, maintenant tu sais comment ça. Et comme les auditions, pas besoin de tes commentaires. Non, je suis pas rentré, j'ai barreau toute la nage. J'suis plus là, tu veux chercher. Il faut que je retourne toute la marche. J'suis sur le retour, j'suis passé par Marbella. J'suis cramé tous les deux, moins interpellé. La balle est sortie, tu vas faire de l'opéra. Sur le terrain, numéro 10 comme Pelé. T'es max calibré, j'ai pensé à le faire toute la nage. Visière teintée, la calage, trop ton pare-balles. Mon son est partout comme le cul de ta sœur. Elle mérite l'hôtel, les bus, elle veut le classer. J'ai lâché l'école, j'étais le classeur. Tant qu'il en dit pas que la fin n'est pas classée. J'ai collé l'oubli, sur moi j'ai calé mon fer. J'ai la panoplie, t'inquiète, je sais comment faire. J'suis au 36, sur moi j'ai calé mon terre. Ils sont beaucoup à planter. J'ai collé l'oubli, sur moi j'ai calé mon fer. J'ai la panoplie, t'inquiète, je sais comment faire. J'suis au 36, sur moi j'ai calé mon terre. Ils sont beaucoup à planter. Non, j'suis pas rentré.